France 2. Et nous sommes déjà à la fin du mois, nous sommes le jeudi 30 avril. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible, votre réveil culturel. Depuis lundi, on parle des faces cachées du Corbusier avec François Chalin, un spécialiste de l'architecture et qui a beaucoup travaillé sur la vie et l'œuvre du Corbusier, dans un instant donc le quatrième épisode. Et puis en deuxième partie, littérature et voyage avec La dictature des ronces de Guillaume Ciodo, édité chez Alma. Mais d'abord, notre tête chercheuse, François Chalin. Exposition Le Corbusier au Musée national d'art moderne à Paris. Je dis de la ville verte, c'est-à-dire que profitant des techniques modernes, je dis on peut faire des gratte-ciels, mais non pas des gratte-ciels américains qui sont cocasses, qui sont des aigrettes de vanité, n'est-ce pas, mais des gratte-ciels modernes d'une grande contenance, lesquels permettent de dégager tout autour d'eux de gigantesques surfaces de circulation de piétons libre, n'est-ce pas, et d'automobiles sur autostrade, surélevées, là, quand elles sont en transit. Pour commencer, notre série de la semaine, Les faces cachées du Corbusier, par le critique d'architecture François Chalin, qui a consacré un livre au Corbusier édité au Seuil dans la collection Fiction et compagnie. Bonjour François Chalin. Bonjour. Aujourd'hui donc quatrième épisode de notre série des lendemains radieux. Là on va parler de, j'allais dire, l'âge d'or. Est-ce qu'on peut parler de l'âge d'or du Corbusier? Le Corbusier comme architecte de villa des années 20, c'est un architecte prodigieux. Donc il y a plusieurs moments du Corbusier qui sont à célébrer, si je puis dire. C'est là quand même l'âge d'or de l'après-guerre, parce qu'il est vieux, parce qu'il est extrêmement reconnu, qu'on va bientôt lui confier des villes nouvelles, comme en Inde, la capitale du Punjab, Chandigarh, et que par ailleurs, il construit des œuvres que je trouve parmi les plus sublimes qu'il ait faites. J'aime tout particulièrement, un peu moins Ronchamp, cette espèce de grande chapelle de Schtroumpf, magnifique, mais à certains égards, qui me perturbe toujours un peu, bien que j'aime bien y aller en pèlerinage, comme ça, à pied, j'aime beaucoup, mais le couvent de la Tourette, enfin, ça devient un architecte absolument magnifique, très sûr de ses moyens, magnifique. Et puis, il va avoir... Et puis, il y a les cités radieuses. Et voilà, alors ça, c'est une commande. Alors, la cité radieuse, c'est donc, disons, une sorte de HLM. Pas tout à fait un HLM, parce qu'il est construit dans... Ça dure 6 ou 7 ans, c'est très long, des dépassements de crédit sont extravagants. Mais c'est une commande de l'après-guerre du ministre d'Autry qui lui commande cette chose-là et qui, l'administration et l'État en quelque sorte se débrouillent pour le libérer des normes et des règles qui fixent l'architecture des logements sociaux. Donc il va pouvoir inventer une chose inouïe, jamais vue, jamais pensée, jamais. C'est une sorte de vaisseau, c'est une sorte de paquebot. Le Corbusier adorait le thème du paquebot, il voyageait en paquebot, il mesurait la taille des chambres, des lits, la largeur complète du paquebot. Il pensait que le village moderne, puisqu'il ne pensait pas que les gens étaient appelés à vivre dans des villes, il n'aimait pas ça, il pensait que les gens allaient vivre dans des sortes de villages qu'il appelait des cités radieuses, ou qu'il appelait unité d'habitation de grandeur conforme. Ça veut dire qu'il avait calculé qu'avec 1500, 2000, 2500 habitants, on était bien. On pouvait avoir une petite rue marchande avec l'essentiel, et puis on était bien dans la nature, dans les stades, dans ces grands vaisseaux. C'est des vaisseaux énormes. Les gens, on a l'habitude maintenant des grands immeubles. Mais quand les gens venaient à Marseille voir cet immeuble de 135 mètres de haut, posé sur 36 pilotis, 50 mètres de haut, 137 mètres de long, 24 d'épaisseur, cette énorme masse de béton, les gens étaient, même les architectes, stupéfaits. Beaucoup d'architectes ont tout à fait changé leur manière de voir l'architecture parce qu'ils étaient venus d'Amérique ou d'Amérique latine visiter ce bâtiment. On venait le voir comme la plus grande innovation de l'après-guerre. En quoi ce bâtiment, la Cité radieuse, est une œuvre du Corbusier ? C'est une œuvre du Corbusier d'abord parce que le Corbusier est un homme extrêmement acharné. Donc il s'est acharné vraiment à mettre au point toutes sortes de choses, des choses dimensionnelles, une cuisine modèle, des chambres des enfants qui étaient séparées par un grand tableau noir qui pouvait coulisser, ce qui permettait aux enfants de jouer, d'avoir parfois une grande chambre, parfois une petite, des systèmes d'éclairage qui marchaient plus ou moins bien, des brise-soleil. C'est un concentré, absolument concentré, d'intention architecturale, d'intention quant au mode de vie. Et de défis contre le mistral, contre le maire qui est là. Ouais. De défis surtout comme c'est un immeuble extrêmement épais, il fait 24 mètres, c'est extrêmement épais. Ce sont des défis surtout contre les questions d'éclairage naturel des salles de bain ou des cuisines qui étaient un petit peu sacralisées. Ce sont des défis contre la ventilation, ce sont des défis aussi sur, par exemple, la partition normale du logement. La chambre des parents, dans un des modèles de la Cité radieuse, enfin, il y a deux types d'appartements principaux, la chambre des parents est sur une grande mezzanine dans le séjour. Donc vous avez le séjour, et vous avez au-dessus de la tête une sorte de grand balcon intérieur, et au-dessus vous avez la chambre des parents sans cloison. Donc vous voyez, ça crée des choses qui sont tout à fait nouvelles et tout à fait révolutionnaires dans le mode de vie. Est-ce qu'on vit avec la nature quand on rentre dans l'univers du Corbusier? C'était son intention, en tout cas, il a toujours rêvé ça, que ces paquebots fusent dans la nature, comme dans une mer, hein, dans une mer d'arbres si possible, ou une mer de stades ou d'arbres. Et de fait, quand on est dans les bâtiments de Le Corbusier, avec ces loggias profondes qui cadrent le paysage qu'on voit très loin, quand on est à 50 mètres, on le voit très loin. Le paysage à Marseille est partout présent, qu'on regarde au nord, au sud, à l'ouest, partout, des collines, les montagnes de verre, la mer, le vent, etc. Donc on est dans un contact extrêmement intense avec la nature. Quels sont les autres grands travaux du Corbusier ? Les autres grands travaux, ce sont pas des très grands travaux. À part la ville nouvelle de Chandigarh, ce sont un petit musée à Tokyo. C'est une espèce de centre culturel dans l'université à Boston. C'est une très jolie villa pour un docteur Kourouchek à La Plata. En Argentine, ce sont des travaux assez modestes en général. Hein. On peut dire que les cités radieuses sont parmi les plus gros édifices qu'il ait construits. À cette époque-là, il y a déjà une école, Le Corbusier, et très précisément en Algérie, qui va devenir quand même un terrain d'essai pour des architectes avant-gardistes. Par exemple, quand on prend cet immeuble qui s'appelle l'immeuble de l'aérohabitat, avec carrément un couloir au milieu où il y a des magasins, on peut ne pas sortir. Le premier niveau correspond à la moitié de l'immeuble qui est vraiment immense. On dit déjà, c'est le style Le Corbusier. Corbusier, ce sont les élèves du Corbusier. Donc, à cette époque-là, il a un style qui s'enseigne et qui se propage. Il n'y a pas d'école au sens universitaire, hein, mais il y a notamment à Alger dont vous parlez, il y a tout un groupe d'architectes de grands talents qui ont été formés par lui. Certains sont suisses d'ailleurs, comme un certain Emery. D'autres ne sont pas suisses. Ils ne sont pas algériens pour le moment, au sens culturel, quoi, ou ethnique, comme on voudra, mais il travaille avec lui pendant plusieurs années à ses projets, notamment ces projets qu'on appelle les plans obus. C'est des plans qu'il fait jusqu'en 42-43, avant d'être définitivement évincé. Il fait des projets pour Alger. Donc ces gens-là sont absolument partisans de ces thèses et vont dans l'immeuble dont vous parlez, qui est extraordinaire, intégrer la plupart des recherches de Le Corbusier. Mais partout, même les derniers grands prix de Rome de l'école des Beaux-Arts, comme Zerfus, prix de Rome en 1939, qui vont revenir en France vers 45-46 pour être les architectes majeurs de la reconstruction, sont complètement pétris des idées de Corbusier. Et quand ils construiront des grands ensembles, ils porteront une part du message de Corbusier. Pas tout. Mais ils porteront l'idée de grandes barres, bien orientées, dressées dans le paysage, qui à l'époque était assez beau autour des grands ensembles. Ça a un peu changé maintenant, bien sûr, le monde. Et puis, ils portent l'idée de bâtiments indépendants de la voirie. Leur grande obsession, c'est de détruire la rue traditionnelle qui leur paraît une chose ombreuse, mal commode, pas adaptée à l'âge de la voiture, et enfin une chose pleine de défauts. Et justement, Le Corbusier, c'est le contemporain de la voiture. Comment l'urbaniste va s'entendre pour imaginer une ville, des appartements, des immeubles, des maisons, des habitats dans une ville où la voiture prend de plus en plus de place? Il fait des projets assez extraordinaires, mais un peu théoriques, pour Rio de Janeiro ou pour Alger, pour certains des plans obus qui sont des villes autoroutes. C'est-à-dire qu'il y a des autoroutes qui enjambent les montagnes, qui passent de montagne en montagne, et on construit dessous 5, 10, 20 étages de dalles et de construction. C'est des projets plutôt utopiques, enfin, ils n'ont pas été menés à bien. Ce qu'il construit plus généralement, c'est tout un système de voirie auxquels nous sommes habitués, puisque maintenant nous avons les autoroutes, les voies secondaires, etc. Tout ça était très articulé, mais à l'époque ça l'était moins. Tout le système de voirie qui va desservir ces immeubles, il pense, l'urbanisme, lui, notamment dans des plans qu'il fait pour Marseille Vert, dans l'après-guerre, comme la succession de grandes barres, comme celle de Marseille, 24 je crois à Marseille Vert, très espacées, séparées par des espaces verts et des stades, et desservies par des routes assez rapides. Le Corbusier est là donc pour la reconstruction de la France, il sera là aussi pour le début des 30 glorieuses. François Chalin, on a connu donc une jeunesse plutôt petite bourgeoise, hein, la jeunesse du oui, Corbusier, modeste, artisan, oui. Artisan plutôt riche, un passé donc marqué par des idées d'extrême droite, ça on peut le dire, et puis au lendemain de la libération, il se rapproche des communistes, qui sont une véritable force à cette époque-là. Qu'en est-il du Corbusier à l'époque où il se lance dans les cités radieuses? Est-ce qu'il a encore changé? Il se fait moins politique. D'abord, il commence à devenir plus vieux. Il commence à avoir 60 ans, 65 ans, bientôt 70. Il se fait plus vieux, sa voix devient plus tremblante. Il est très différent de comportement. Il joue un peu les vieux chats, les Ramina Grobis. Il est toujours un peu râleur. Il explique à la longueur d'interview qu'il a reçu tant de coups de pied au cul dans sa vie, etc. Enfin, ça devient une espèce... Et surtout, il insiste sur le fait qu'il est un poète, maintenant. Donc, il y a une transformation complète de sa figure publique. Ouais. Particulièrement. Mais depuis le début, c'est lui qui écrit son histoire, son mythe. Constamment. Il corrige un peu, mais il a eu une phrase extraordinaire dans une lettre au ministre Claudius Petit. Il explique, on dit toujours que je suis un type difficile de caractère. Pas du tout. Je suis l'homme le plus droit, le plus rectiligne, le plus correct qui soit. C'est les événements, c'est le monde, ce sont les événements qui sont tordus autour de mon caractère qui lui est si droit et si limpide. Il se pense pour un type, comme un type extrêmement droit. Il est roué aussi, hein, c'est un peu un homme roué. Mais il se pense comme une chose totalement intégrale et intègre. Est-ce qu'il enseigne de bon cœur, le Corbusier? Il n'a jamais enseigné. Il a publié immensément d'articles, immensément de livres. Il a donné beaucoup de conférences, y compris dans la salle Pleyel ou dans de très grandes salles. Il n'a jamais enseigné au sens propre. Que disait-il dans ses conférences? Est-ce qu'il expliquait tout? Il expliquait de façon schématique l'essentiel de sa doctrine. Sa doctrine était une mécanique très sophistiquée, mais qu'il arrivait tout à fait à exprimer par le dessin. C'est magnifique. Il y a un témoignage, il y a un film de 1936 dans lequel on le voit expliquer en 5 minutes de film comment il dessine un immeuble avec une craie sur un tableau. C'est absolument magnifique de le voir exprimer. Il a une capacité, une puissance d'expression et de synthèse qui est très frappante. Je comprends qu'elle éblouit les gens. Lui arrive-t-il de se remettre en cause, d'avoir des doutes? Pas beaucoup. Il a opéré après la guerre une sorte de transformation un peu de son art aussi, de son art même de peintre ou de dessinateur, s'intéressant beaucoup plus aux choses du corps, par exemple. Il est moins ascétique. Mais il finira quand même très ascète. Il finira dans un cabanon presque naturiste, un cabanon d'été au bord de la mer à Roquebrune-Cap-Martin. C'est pas l'homme des autocritiques, non, du tout. L'homme qui a le mieux connu sa jeunesse, cet écrivain dont nous parlions l'autre jour, William Ritter, explique qu'une fois qu'une explication est donnée, Le Corbusier jamais, jamais, jamais ne reviendra dessus. Déjà quand il est jeune. Merci François Chalin. On se retrouve demain pour le dernier épisode de notre série Les faces cachées du Corbusier. Un autre jour est possible, par Toufik Hakem, tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Guillaume Ciodot, bonjour. Bonjour Toufik. Après Tarte aux pommes et Fin du monde, paru en 2013... Toujours chez Alma Éditeur, vous publiez La dictature des ronces. Alors c'est parfait pour l'été. Ce sont des romans d'été hein, qu'on veut à emporter avec soi, qu'on aille au bord de la mer, dans une île déserte ou plus ou moins déserte, oui, tout à fait. Ou quand on reste chez soi. Quand on n'a que le canapé comme ami, comme le protagoniste de votre roman, le narrateur. Et lorsqu'il apprend que son ami Henri lui propose de venir garder son chien et sa maison pendant un mois, et ben voilà votre héros, votre anti-héros plutôt, qui s'arrache enfin de son canapé et qui embarque pour Sainte-Pélagie. Et nous voilà entraînés dans une île bien étrange, l'île mystérieuse un peu, l'île aux fous beaucoup, l'île au trésor, faut voir. Mais en tout cas, une île comme dans un film de Wes Anderson, où les étoiles filantes tombent du ciel, où il neige en été, où les ronces repoussent chaque nuit, une île habitée par une galerie de personnages, tous plus étranges, pour ne pas dire barrés, tous plus étranges les uns que les autres, à commencer d'ailleurs par le maire qui prétend à tous ceux qui voudraient s'y aventurer que tous les habitants sont fous. Peut-on parler d'un roman qui fait rire, la dictature des ronces, Guillaume Ciodo? Oui, il y a pas mal quand même d'humour dans ce livre. Enfin, j'ai essayé en tous les cas d'en mettre. Enfin, en fait, comme j'écris en fait, j'arrive pas à écrire autrement qu'en mettant un peu d'humour dans mes phrases. Et donc, si vous avez trouvé que ça ressortait, ça me fait plaisir. Ouais, même si des fois on ne sait pas sur quel pied danser et comment lire votre roman, parce que il nous arrive de rencontrer quelques drames, quelques personnages poignants, et pour commencer, puisque on est dans une île, de remarquer que tous les habitants de cette île sont en quelque chose de douloureux dans leur vie, ils sont tous handicapés pour commencer. Oui, voilà, c'est tous un peu déséclopés de la vie, comme on dit, et... Voilà, j'ai une fascination pour les gens qui ne vont pas tout droit, qui ne sont pas tout droit, et du coup j'ai essayé de mettre dans ce roman une multitude de gens différents et aussi étranges les uns que les autres. Comment présenter votre protagoniste, Guillaume Ciodo? C'est un type qui est un peu paumé, enfin qui passe beaucoup de temps dans son canapé, et du coup il voit en fait en cette invitation donc à passer tout un été sur l'île Sainte-Pélagie, une sorte d'ouverture et plus que des vacances en fait, peut-être un moyen de justement sortir un peu de sa léthargie du quotidien. Est-ce qu'il vous ressemble? Parce qu'on suppose que comme vous, Guillaume Ciodo, il est trentenaire. Oui, comme dans mon premier, en fait, je cite pas d'âge. Oui, je pense qu'il est à peu près dans ces âges-là. Il me ressemble. J'aime bien les canapés aussi. Après, c'est pas du tout autobiographique. Donc voilà, j'ai pioché j'ai pioché certaines choses. Mais oui, il a quand même des traits qui me ressemblent. Par exemple, notamment. Justement, je suis un peu feignant sur les bords et les canapés m'attirent pas mal aussi. Donc ce narrateur m'a un peu fait rêver aussi, de laisser tomber un peu son canapé pour partir en voyage. Et voilà. Et cette île, c'est un peu votre terre promise, Guillaume Ciodo? Vous rêvez de rencontrer ces gens-là, d'être dans cette île? Rêver, c'est pas forcément le mot, mais disons que oui, je serais content oui, d'aller passer. Enfin, si on me proposait d'aller sur une île comme celle-ci, je serais content d'aller y passer un séjour pour rencontrer un peu tout le monde. Ouais. Enfin, c'est des gens qui seraient susceptibles de me plaire. Ouais. Quand je fais cette comparaison avec les films de Wes Anderson, est-ce que vous acceptez cette comparaison? Vous êtes influencé par d'autres romans, d'autres univers? Wes Anderson, ouais, c'est un beau compliment. Enfin, j'aime beaucoup. Après, au niveau des univers, ouais, je lis beaucoup de choses différentes. Mais j'aime bien aussi, Boris Vian. Je lis beaucoup de littérature américaine aussi. Et j'aime bien aussi le fantastique. Donc, dans ce roman, ce que j'avais pas fait dans le premier, il y a aussi des éléments qui sont vraiment fantastiques pour le coup et que j'avais envie d'intégrer. Alors, on peut raconter un peu le début de la dictature des ronces, c'est-à-dire toute une première partie où le personnage va découvrir un monde très, très étrange et des personnages vraiment particuliers. Et puis, comme dans un voyage initiatique, il va trouver sa place et un sens à sa vie dans ce lieu atypique et improbable. Ouais, en fait, oui, c'est même plus que ça, parce que du coup, il va carrément en tomber amoureux, on va dire. Donc, c'est un peu l'amour entre un personnage et un objet, en fait, enfin, l'île en tant qu'objet. Et du coup, donc, oui, plus que trouver un sens à sa vie, en fait, il va se rendre compte qu'il est bien mieux, en fait, sur cette île que dans son canapé. Et ça lui fait justement se poser beaucoup de questions, quant à la fin de son séjour, Ah bah alors qui justement, arrive. je vais vous demander, Guillaume Ciudo, de lire justement ce passage de la dictature des ronces. Une semaine. C'est le temps qu'il resta avant qu'Henri ne rentre de son séjour pour mettre un terme au mien. Les solutions allaient et venaient dans ma tête, toutes plus saugrenues les unes que les autres. Certains rayons de soleil mettaient en lumière quelques réponses, et certains nuages noirs s'amusaient à poser d'autres questions. Je ne parvenais pas bien à comprendre pourquoi l'envie inextinguible d'habiter l'île pour toujours était si forte. Certes, la mer y était douce et chaque journée pleine de surprises, mais il y avait aussi tous ces bouquins monstrueux, ce gosse inquiétant qui hantait les bords de la falaise à la recherche d'un père transformé depuis belle lurette en appât à poisson, ces gens qui vous réveillaient au milieu de la nuit pour vous vendre une encyclopédie largement perfectible, ces avions publicitaires qui anticipaient chacun de vos faits et gestes. D'autres choses faisaient contrepoids. Cette magnifique soirée accueillir des étoiles filantes, ces traversées délicieuses à la barre du raffio de Snoopy, cette neige en plein été, excessivement blanche, qu'aucun météorologue n'était en mesure de prédire. Il me resta à faire un choix entre le sucre d'ici et l'amertume d'ailleurs, entre le confort de cette nouvelle vie imprévisible et la routine dont j'avais déjà trop soupé. Guillaume Ciudo, lisons un extrait de son dernier roman, La dictature des ronces. Alors, c'est votre deuxième roman paru chez Alma, mais je pense que vous passez votre vie à écrire. Oui, enfin, oui, j'écris tous les jours, Ouais, mais. je suis allé visiter un peu Ouais, votre bah en fait. blog et j'ai vu que vous avez d'autres textes, vous écrivez surtout. Moi. À quoi ressemble votre vie à Clermont-Ferrand, Guillaume Ciudo? Est-ce que vous avez un métier en dehors de... Non, du coup, justement, je suis chômeur, donc ça laisse beaucoup de temps pour écrire. Et du coup, bah, j'écris tous les jours. Donc, j'ai un blog où je poste tous les jours des petits textes ou des poèmes. Et puis après, j'ai publié aussi quelques livres de poésie, enfin, avant ces deux romans, justement, qui sont sortis. Donc voilà, bah oui, après l'écriture, oui, prend beaucoup de temps. Et bah, il faut bien occuper le temps quand on est au chômage, quoi. Donc, Et ce c'est une belle chômage, manière. et le fait d'être chômeur, c'est choisi ou c'est subi? Parce qu'on se pose la même question pour votre personnage. Ouais, bah, disons que non, au début c'était un peu choisi et là ça devient de plus en plus subi. Donc, bah, il va falloir choisir autre chose justement, mais bah, voilà, je prends le temps de me relever du canapé. Chaque livre est l'enfant d'un gros rêve et d'un petit courage, et j'espère sincèrement que ce sale gosse vous aura fait passer un bon moment. C'est ainsi que vous terminez la dictature des ronces. Vous partez souvent de rêves quand vous vous lancez dans l'écriture, que ce soit pour la poésie ou pour les romans, comme pour la dictature des ronces. Oui, souvent. Enfin, oui, ça m'arrive, ouais, de temps en temps. Enfin, mes inspirations principales, oui, c'est les rêves et aussi bah, les gens que je rencontre. Enfin, la vie au jour le jour, en fait. C'est aussi simple Vous que ça. habitez où à Clermont-Ferrand? En ville ou un peu en Oui, dehors de la ville? en ville. Ouais. En ville. Enfin, à la base, j'habitais à Nantes, en fait. Je suis à Clermont depuis 3 ans. Ouais. Et voilà, mais bon, je viens quand même plus de la campagne. Enfin, j'ai passé toute mon enfance en campagne. Et là, Clermont-Ferrand, j'habite en ville. Ouais. Et comment avez-vous chopé ce virus de l'écriture? Et où? Bah, j'ai lu quand j'étais petit, j'ai lu pas mal. Et en fait, le fait de lire m'a donné envie d'écrire. Enfin, tout bêtement, en fait. Je pense que ça vient à beaucoup de gens comme ça. Bah, l'envie peut-être de faire comme les écrivains dont on se nourrit, en fait. Donc voilà, ça m'est venu tout naturellement. Et comment avez-vous contacté Alma Éditeur pour votre premier livre, déjà pour votre premier roman, Tarte aux pommes et fin du monde? Alors Alma, donc pour le premier roman, en fait, c'était un peu une sorte de hasard bienheureux. C'est un autre ami, bah, Thomas Vineau, en fait, qui est édité chez Alma. Et bah, on échangeait assez souvent, en fait. Et du coup, En tant que... Ouais. je lui ai dit que je venais de finir un roman, que j'allais essayer de le proposer à des maisons d'édition. Il m'a proposé de l'envoyer à Alma directement, en fait. Et voilà. Et j'ai eu la chance que ça leur plaise. Et voilà. Est-ce que, comme le personnage de votre roman, vous aimez Ella Fitzgerald? Oui, j'aime bien, oui. Bah, oui, c'est. comment dire, j'aime pas écrire avec de la musique, mais par contre, c'est tout à fait le genre de musique que je peux écouter entre deux, enfin, pendant une petite pause entre deux écrits. Et pourquoi Ella Fitzgerald ? Bah, j'aime bien tout, la tonalité de sa voix. C'est dur à définir la musique, même plus que l'écriture, en fait. Je pense, c'est ce que ça, voilà, ce que ça provoque chez moi. Voilà, je peux pas vous en dire plus. On va juste l'écouter. Voilà. Tout en vous remerciant d'être passé ce matin, Guillaume Ciodo, La dictature des ronces, édité chez Alma Éditeur. C'était Un autre jour est possible. On se retrouve demain à la même heure. Bonne journée. They call it that Jersey bounce, a rhythm that really counts. The temperature always mounts wherever they play the funny rhythm they play. It started on Journal Square, and somebody heard it there. He put it right on the air, and now you hear it everywhere. Uptown gave it new licks, downtown added some tricks. No town makes it sound the same as where it came from. So if you don't feel so hot, go out to some Jersey spot, and whether you're hip or not, the Jersey bounce will make you swing. How I love that Jersey bounce. Oh, come on and play that Jersey bounce. No town make it sound the same as where it came from. So if you don't feel so hot, go out to some Jersey spot, and whether you're hip or not, the Jersey bounce will make you swoon.